Dans mes ténèbres, tu étais ma lumière. O tikangati, mon fongo libi kouke. O pesanganyo, son azala kyoluka na vie. Yahweh, o salinga e. Pendant que ta main droite visible était tendue pour me faire sortir des donjons, c'était ta main gauche invisible qui me préparait des surprises agréables, Seigneur. Je te dis merci pour tes bienfaits. Salagno sonatine est pour une saison. Nabanga kate parce que Jésus a toujours raison. Ou salagno sonatine est pour une saison. Nabanga kate parce que Jésus a toujours raison. Atama moi kinga. Jésus a toujours raison. Atana koufeli maman. Jésus a toujours raison. Kota tola esengo nanga ya kozala mwana na yo akoma mwana moto ponga pe akoma mwana. Thank you.